qui aimait avec passion. L'amour était son destin, et comme un petit pantin, il le répétait sans fin. Calmer le tourment qui déchire un cœur d'enfant.